إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فبحول الله تبارك وتعالى وقوته فدرس هذه الليلة يتضمن الفصول التالية وهي تعريف البدعة وأنواعها وأحكامها وظهور البدع في حياة المسلمين والأسباب التي أدت إلى هذه البدع وموقف الأمة الإسلامية من المبتدعة ومنهج أهل السنة والجماعة في الرد عليهم. Donc إن شاء الله بإذن الله dans cette assise on va essayer de parler et de connaître qu'est-ce que c'est l'innovation et quelles sont les sortes d'innovation et quel est le jugement de l'innovation et comment elle est apparue dans la vie des musulmans et quelles sont les causes qui ont fait qu'elles apparaissent et quelle est la position de la communauté musulmane concernant les innovateurs et quel est le chemin de Ahl Sunnah wal Jama'a dans le fait de réfuter justement les innovateur. أولا تعريف البدعة. البدعة في اللغة مأخوذة من البدع وهو الاختراع على غير مثال سابق ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي مخترعها على غير مثال سابق وقوله عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله عز وجل إلى العباد بل تقدمني كثير من الرسل ويقال ابتدع فلان بدعة أي يعني ابتدأ طريقة لم يسبق إليها. Et donc dans la langue arabe qu'est-ce que veut dire innovation ou d'où vient et quelle est la racine de ce mot innovation يعني بدعة. Le mot bid'a vient et provient et prend sa racine du mot l'bad'a qui veut dire une chose qui a été fabriquée sans aucun précédent, qui n'a pas de précédent. Et on retrouve ce mot dans la parole d'Allah Azza wa Jal quand il dit badi'u samawati wal ard, c'est-à-dire qu'il a créé les cieux et la terre sans aucun précédent. Badi'a, c'est-à-dire que il l'a fabriqué et il l'a créé sans avoir de précédent, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cieux et de terre sur lesquels prendre un exemple. Et également la parole d'Allah Azza wa Jal quand il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je ne suis pas une nouveauté parmi les messagers, c'est-à-dire que je ne suis pas le premier messager qui vient avec le message venant d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs, mais énormément de messagers m'ont devancé dans la prophétie. Et quand on dit une personne a fait une innovation, c'est-à-dire qu'il a pris un chemin sur lequel personne ne l'a jamais devancé. Quand on dit quelqu'un a fait une innovation, c'est-à-dire qu'il a fait ou il a pris un chemin sur lequel personne ne l'a jamais devancé. Un chemin nouveau. Et l'innovation Et il est de deux sortes. L'ibtida'u fil adat, kabtida'il muhtara'at al haditha. Wa hadha mubah, li'anna l'asla fil adat al ibaha. Donc l'innovation, elle est de deux sortes. La première des sortes, c'est innover dans les habitudes, dans la vie mondaine. Comme les inventions et les fabrications yani, qu'on connaît de nos jours. Comme yani, on avait dit, par exemple, les voitures qui n'étaient pas à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le micro, etc. Ça, ce sont des choses eh bien, qui sont licites. C'est une innovation, c'est des nouveautés qui sont licites. Et qu'Allah Azza wa Jal nous a assujettis, nous a facilité, justement pour nous faciliter notre vie de tous les jours. Et ça, c'est une chose eh bien, qui est licite. Pourquoi ? Parce que les innovations et les nouveautés dans la vie mondaine, eh bien, ce sont des choses qui à la base sont licites. Wa hunaka kadhalik al-qism al-thani ibtida'un fi al-din. Wa hadha muharram. لأن الأصل فيه التوقيف فقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Et la deuxième sorte d'innovation, c'est l'innovation dans la religion. Dans la religion, ramener une chose nouvelle dans la religion. Et ça, c'est interdit. Pourquoi ? Parce que le fondement et l'asl, la base dans la religion, eh bien c'est que la religion est arrêtée. La religion est arrêtée, on ne doit ni rajouter ni enlever dans cette religion. Lian Allah Azza wa Jal قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Elle est complète. On ne rajoute pas et on ne diminue pas. Et j'ai accompli sur vous mon bienfait. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Yani comme religion complète. Si Allah Azza wa Jal il l'a agréé, c'est qu'elle est complète. Donc elle n'a pas besoin ni de rajout, ni de diminution. C'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal dit j'ai agréé pour vous comme religion l'islam. Et si elle n'était pas complète cette religion, eh bien il ne l'aurait pas agréé. Donc nous n'avons pas à rajouter ou à diminuer de cette religion. Et également d'après les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, quand il dit celui qui innove dans notre religion une chose qui n'en fait pas partie, eh bien cette chose sera rejetée. Et dans une version, dans la version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wasallam, il dit celui qui fait une œuvre que nous n'avons pas ordonnée et que nous n'avons pas légiférée, eh bien cette œuvre sera rejetée. والبدعة في الدين نوعان. Et l'innovation dans la religion, elle est de deux sortes. Elle est de deux sortes. بدعة قولية اعتقادية كما قالت الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم. La première des sortes d'innovation dans la religion, c'est l'innovation de paroles et de croyances. Comme les paroles de l'Jahmiya, et comme les paroles de l'Mu'tazila dans les noms et les attributs, comme les paroles de l'Rafida, et comme les paroles de toutes les autres sectes égarées, et comme également leurs croyances erronées. وَالنَّوْعُ الثَّانِي بِدْعَةٌ فِي الْعِبَادَاتِ. Et la deuxième des sortes d'innovation, c'est l'innovation qu'on fait dans l'adoration même. كالتعبد لله تبارك وتعالى بعبادة لم يشرعها. Comme par exemple adorer Allah Azza wa Jal avec une adoration qu'il n'a jamais légiférée. Qu'il n'a jamais légiférée. وهذا النوع أقسام. Et cette sorte d'innovation dans les adorations, elle est également de plusieurs sortes. القسم الأول ما يكون في أصل العبادة. بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع كأن يحدث صلاة غير مشروعة أو صياما غير مشروع أصلا أو أعيادا غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها. Donc la première sorte d'innovation dans l'adoration, c'est quoi? C'est celle qui touche le fondement de l'adoration. Comme une personne par exemple qui fait une adoration qui n'a aucun fondement et aucune preuve aucun fondement et aucune preuve ni dans le Coran ni dans la Sunna qui n'existe pas et qui n'est pas rapportée. Comme par exemple le fait de faire une prière qui n'a jamais été légiférée, comme le fait de rajouter une sixième prière dans la journée, alors qu'on sait qu'il y en a cinq. Ça, ça n'a aucun fondement. Ou comme le fait, eh bien, de faire ou de fêter une fête dans l'islam qui n'a aucun fondement, comme les fêtes d'anniversaire, par exemple. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, « Falana idan, Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. » Nous avons deux fêtes, c'est bien, c'est Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Yani, l'Eid qui vient après Ramadan et celui yani, qui vient le dixième jour de Dhul-Hijjah. Wa al-qismu al-thani, ma yakunu min al-ziyadati fil ibadati al-mashru'a. كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلا. Et la deuxième sorte d'innovation dans l'adoration, c'est l'innovation qu'on rajoute dans une adoration qui est déjà existante. Cette adoration, elle a un fondement, elle existe déjà, mais on rajoute dans cette adoration. Comme rajouter une cinquième raka'a مثلا dans salat al-dhuhr ou salat al-asr, par exemple, ou faire 5 raka'a pour salat al-isha. Wa al-qism al-thalith ma yakunu fi sifati ada'i al-ibadati al-mashru'a bi an yu'addiyaha 'ala sifatin ghayri mashru'a wa dhalika ka ada'i al-adhkari al-mashru'ati bi aswatin jama'iyyah mutriba wa ka at-tajdid 'ala an-nafs fi al-ibadat 'ala haddin yukhriju 'an sunnati ar-rasul sallallahu 'alayhi wa sallam. Troisième sorte d'innovation dans les adorations, c'est l'adoration qui est dans le comment est faite l'adoration. Comment est faite l'adoration? L'adoration existe, mais la manière dont tu l'as fait, eh bien, fait que tu auras innové dans cette adoration. Comme par exemple, l'adhkar, évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Cette adoration existe. Et on sait comment évoquer Allah Azza wa Jal, puisqu'Allah Azza wa Jal nous l'a appris et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a appris. Mais par exemple, certaines personnes viennent et se réunissent tous. Ils se réunissent et ils font tous d'une même voix dhikr, tasbih, subhanallah, tous d'un coup. Ou leur shir, comme ça se passe chez les soufis, il se met là et il dit sabbihu mathalan, ou hu, et tout le monde dit hu hu hu, etc. etc. Dhikr mashru'. Hein? Donc l'évocation d'Allah Azza wa Jal, elle est légiférée, on le sait puisque c'est la base. Mais comment elle est faite, eh bien, ce comment peut te faire entrer dans l'innovation. Ou comme également faire, eh bien, une adoration et se forcer à faire une adoration qui, eh bien, à tel point qu'elle te fera sortir de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والقسم الرابع ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصها أو لم يخصصه الشرع كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام فإن أصل الصيام والقيام مشروع ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل. Et la quatrième sorte d'innovation, eh bien, c'est l'innovation dans le moment où est-ce que l'adoration est faite. Dans le moment où est faite une adoration qui est déjà légiférée. Et qui n'a pas été légiférée par Allah Azza wa Jal ou par son messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, spécifier et dire que le 15 de Sha'ban, le jour, on jeûne et la nuit, on prie. On sait que le jeûne, c'est quelque chose qui est légiféré. La prière de la nuit est quelque chose qui est légiféré. Mais spécifier ce jour-là, alors que Allah Azza wa Jal ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'ont spécifié, eh bien là tu rentres dans l'innovation. Pourquoi? Parce que le temps d'une adoration, eh bien, a besoin d'une preuve. On a besoin d'une preuve pour, eh bien, faire cette adoration à ce moment-là ou ce jour-là, etc., etc. ثم قال وحكم البدعة في الدين بجميع أنواعها. Et quel est le jugement de l'innovation dans la religion? Et toutes les sortes d'innovations, quelles sont leur jugement dans l'islam? كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة. Faut savoir que chaque et toute innovation dans la religion est interdite et c'est un égarement. لقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Pourquoi c'est interdit et c'est un égarement d'après les paroles du prophète عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم prenez garde aux nouveautés car toute nouveauté dans la religion est hérésie, يعني بدعة, innovation, et toute innovation est égarement. Toute innovation est égarement. Et également d'après les paroles du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam qui dit من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Également d'après les paroles du prophète sallallahu alayhi wasallam dans le Bukhari wa Muslim qui dit celui qui innove une chose qui n'a pas été légiférée, eh bien cette chose-là lui sera rejetée, elle ne sera pas acceptée. Et si elle n'est pas acceptée, c'est que c'est un égarement. Et c'est quelque chose qui est interdit. فَدَلَّ الْحَدِيثَانِ عَلَى أَنَّ كُلَّ مُحْدِثْ فِي الدِّينِ فَهُوَ بِدْعَ. Et donc ces deux hadiths prouvent que chaque nouveauté dans la religion est une innovation. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ. Et toute innovation est un égarement. ضلالة المردودة. C'est un égarement et qui est rejeté en plus. Ce n'est pas juste un égarement et il sera accepté, non. C'est un égarement qui sera rejeté. ومعنى ذلك أن البدعة في العبادات والاعتقادات محرمة. Et le sens également de ces deux hadiths, c'est que chaque innovation dans la religion et dans les adorations et dans la croyance, eh bien, sont interdites. ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة. Mais l'interdiction eh bien, sera plus grande selon la sorte d'innovation que tu as commis. Parce que toutes les innovations ne sont pas au même degré et au même stade. فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها وتقديم الذبائح والنذور لها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم وكأقوال Parmi les innovations, il y en a qui sont de la mécréance. Certaines innovations sont de la mécréance. Comme le fait de faire le tawaf autour des tombes pour se rapprocher eh bien, des gens qui sont enterrés dans ces tombes. Ou comme eh bien, sacrifier pour ces gens qui sont dans des tombes. Ou leur faire des vœux pieux ou les invoquer en dehors d'Allah Azza wa Jal, ou leur demander secours et leur demander de l'aide, ou comme également eh bien, les paroles des exagérateurs parmi le Jahmiya ou le Mu'tazila. Wa minha ma huwa min wasa'il ash-shirk kal bina'i 'ala al-qubur was-salati wad-du'a'i 'indaha. Et parmi les innovations, il y en a qui sont des chemins qui mènent à l'associationnisme, au polythéisme, au shirk, comme le fait de construire des coupoles et de mausolées sur les tombes et d'y prier et d'invoquer Allah Azza wa Jal à ces endroits-là. Wa minha ma huwa fisqun i'tiqadiyyu ka bid'ati al-khawarij wal-qadariyya wal-murji'a fi aqwalihim wa i'tiqadatihim al-mukhalifati lil-adillah ash-shar'iyya. Et parmi les innovations, il y en a qui sont de la perversité dans le dogme et la croyance, comme l'innovation de l'Khawarij et de l'Qadariya et de l'Murji'a fil iman, que ce soit dans leurs paroles ou dans leurs croyances qui divergent des preuves des textes du Coran et de la Sunna. Wa minha ma huwa ma'asiyya ka bid'ati at-tabattul was-siyam qa'iman fi ash-shams wal-khasa بقصد قطع الشهوة الجماع. Également parmi les innovations, il y en a qui sont des péchés, comme eh bien le fait de jeûner, s'imposer le jeûne debout sous le soleil, ou comme le fait bien de castrer, de châtrer la personne pour en y couper l'envie des relations intimes. Et il y a également là, eh bien, un point qu'il faut clarifier. هناك من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. Certaines personnes, هداهم الله, eh bien, ont divisé l'innovation en bonne et mauvaise innovation. فمن فعل هذا فهو مخطئ ومخالف لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة. Celui qui dit cela, qu'il y a des bonnes innovations et des mauvaises innovations, eh bien c'est quelqu'un qui a fait une erreur et c'est des paroles erronées. Pourquoi? Parce qu'il sera parti en divergence et à l'opposé de la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui dit toute innovation est égarement. Toute innovation est égarement. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدع كلها بأنها ضلالة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous dit que toutes les innovations, sans exception, sont égarements. Et celui-là, il vient, il te dit non. Pas toutes les innovations sont égarements. Il te dit non, il y a des innovations qui sont bonnes dans la religion. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit toutes les innovations sont égarements. فقال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه وسواء في ذلك مسائل الاعتقاد أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة. Donc Ibn Rajab, rahimahullah, dans le hadith, dans l'explication des 40 hadiths de Nawawi, il dit, quant à la parole du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, qui dit que toute innovation est égarement, eh bien cette parole fait partie des paroles globales et générales du prophète sallallahu alayhi wasallam. Et rien ne sort, c'est-à-dire aucune innovation ne sort de cette parole. C'est-à-dire que toutes les innovations sont égarements. Et aucune innovation et aucune exception n'est faite à une innovation. Toutes elles sont égarements. Et ce hadith est un des fondements parmi les fondements de la religion. Et il ressemble au hadith de Aïcha radiallahu anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui innove dans notre religion une chose qui n'en fait pas partie, eh bien cette chose-là lui sera retournée, elle ne sera pas acceptée. Comme ce hadith est un fondement, et l'autre également en est un. C'est-à-dire que tous ceux, eh bien, qui innovent une chose et qui, eh bien, la fait revendiquer de la religion et dit que cette chose fait partie de la religion, alors que cette chose en réalité n'a aucun fondement dans la religion, dans les textes du Coran et de la Sunna, eh bien cette chose sera un égarement. Et la religion sera innocente de cette chose. Peu importe que cette chose soit, eh bien, dans les sujets de la croyance ou des œuvres ou des paroles, qu'elles soient voyantes ou cachées. انتهى كلامه رحمه الله وليس لهؤلاء حجة على أن هناك بدعة حسنة إلا قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه. Et ces gens-là qui disent que il y a des bonnes innovations, ils n'ont qu'une preuve sur laquelle il s'appuie. La parole de Umar radiallahu anhu concernant la prière de Tarawih, quand il a dit: quelle bonne innovation, quelle bonne innovation. Umar radiallahu anhu, en parlant de Tarawih, il a dit: quelle bonne innovation. وقالوا أيضا أنها أحدثت أشياء لم يستنكرها السلف. Et parmi leurs arguments, ils disent que certaines choses, eh bien, ont été rajoutées dans la religion que les pieux prédécesseurs salaf n'ont pas réfutées. مثل, par exemple, جمع القرآن في كتاب واحد أو كتابة الحديث وتدوينه. Comme par exemple, des choses يعني, qui n'ont pas été réfutées par salaf, comme le fait bien de réunir le Coran dans un seul livre. Ou répertorier les hadiths et les mettre et les compiler dans des livres. Ils prennent comme argument cela et ils disent que ça c'est des innovations, des bonnes innovations, et que les salaf eh bien, n'ont pas réfuté ces choses-là. Al-jawab an dhalik. Quelle est la réponse à cela ? Al-jawab an dhalik anna hadhi al-umur, yani jam' al-Qur'an wa kitabatu al-ahadith wa tadwinuha. هذه الأمور لها أصل في الشرع. La réponse à cela, c'est que réunir le Coran et réunir l'Ahadith, eh bien, ça a un fondement déjà dans la religion. Ça a un fondement dans la religion. Et ce n'est pas considéré comme une innovation. فليست محدثة. Ce n'est pas des innovations. وقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة يريد البدعة اللغوية للشرعية. Et quant à la parole de Omar radiallahu anhu, quand il dit quelle bonne innovation, il ne veut pas dire une innovation dans la religion, mais ce qui est voulu c'est l'innovation dans le sens linguistique, ce n'est pas dans le sens religieux. فما كان له أصل في الشرع يرجع إليه. Toute chose qui a un fondement dans la religion, eh bien, on peut y revenir à cette chose. إذا قيل إنه بدعة فهو بدعة لغة ولا شرعة. Et si on dit de cette chose, comme Omar radiallahu anhu l'a dit concernant Salat al-Tarawih, que c'est une innovation, eh bien, c'est le sens linguistique qui a voulu être utilisé, pas le sens religieux. Pourquoi ? Parce que Tarawih, comme on va le voir, eh bien, il a un fondement dans la religion. Et il ne peut pas être considéré comme une innovation. Le fait de réunir le Coran également, eh bien, ça a un fondement dans la religion et ça ne peut pas être considéré comme une innovation. Pareil pour réunir le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un fondement dans la religion comme on va le voir et ça ne peut pas être considéré comme une innovation. Et l'innovation dans la religion, c'est une chose qui n'a aucun fondement, qui n'a pas de précédent. وجمع القرآن في كتاب واحد له أصل في الشرع. Et le fait de réunir le Coran dans un seul livre, eh bien, ça a un fondement dans la religion. Ça a un fondement dans la religion. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابة القرآن. ولكن كان مكتوبا متفرقا. فجمعه الصحابة رضي الله عنهم في مصحف واحد. Et le fondement que le Coran, que l'on peut eh bien, réunir le Coran dans un seul livre, et que le fait de le réunir dans un seul livre n'est pas une innovation, c'est que ça a un fondement dans la religion, ça a un précédent. C'est quoi ce précédent ? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait d'écrire déjà le Coran. Mais ses écrits, eh bien, étaient éparpillés. Les écrits et les versets du Coran et les sourates étaient éparpillés. Donc les compagnons, radiallahu anhum, les ont réunis. Et dans un seul livre, pour justement préserver ce Coran. Donc écrire le Coran, eh bien, c'était déjà présent. Et ça a un fondement. Et le fait de le réunir ne peut pas être considéré comme une innovation. والتراويح قد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي. Quant au تراويح, le prophète صلى الله عليه وسلم l'a prié avec les compagnons رضي الله عنهم certaines nuits. وتخلف عنهم في الأخير خشية أن تفرض عليهم واستمر الصحابة رضي الله عنهم يصلونها أوزاعا متفرقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a prié de son vivant التراويح avec les compagnons, avec certains compagnons. Et il s'en est détourné certaines nuits de peur que justement cette prière de Tarawih ne leur soit rendue obligatoire. Mais les compagnons ont continué à la prier ensemble, séparément, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'après sa mort. Ila an jama'ahum Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ala imam wahid kama kana aw kama kanu خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا بدعة في الدين. Et donc ils ont continué à faire ceci jusqu'à ce que Omar رضي الله عنه les réunisse tous derrière un seul imam, comme il le faisait à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc ceci ne peut pas être considéré comme une innovation dans la religion, puisqu'il était appliqué à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. وكتابة الحديث أيضا لها أصل في الشرع. Et le fait d'écrire le hadith, eh bien également ça a un fondement dans la religion. Écrire le hadith, ça a un fondement dans la religion. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة بعض الأحاديث لبعض أصحابه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné à certains de ses compagnons d'écrire certains hadiths. لما طلب أو لما طلب منه ذلك. Quand أو لما طلب من يعني من الصح يعني النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي ذلك. Quand le prophète صلى الله عليه وسلم a demandé aux compagnons de l'écrire ce hadith, le compagnon l'écrivait. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يكتب الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم il écrivait, il retranscrivait le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم. وكان المحذور من كتابة أو من كتابة الحديث بصفة عامة في عهده. Qu'est-ce qui était répréhensible à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est d'écrire tous les hadiths. Ça c'était répréhensible. لماذا؟ خشية أن يختلط بالقرآن ما ليس منه. De peur, pourquoi c'était répréhensible? Pour ne pas, eh bien, que les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم se mélangent avec les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est pour ça que il était répréhensible de réécrire tous les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم. Mais certains, le prophète صلى الله عليه وسلم leur donnait de les réécrire à certains de ses compagnons, comme Abu Huraira رضي الله عنه وارضاه. فلما توفي صلى الله عليه وسلم انتفى هذا المحذور لأن القرآن قد تكامل وضبط قبل وفاته فدون المسلمون الحديث بعد ذلك حفظا له من الضياع. Et donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, eh bien cette interdiction de réécrire tous les hadiths a été annulée. Pourquoi? Parce que le Coran a été révélé entièrement, donc on n'avait plus peur de le perdre et de le mélanger avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cette raison que les compagnons et les musulmans ont retranscrit les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les livres et ils les ont réunis dans des compilations et dans des ouvrages pour préserver la sunna du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Fajazahumullahu an al-islam wal muslimina khayra haythu hafidhu kitab rabbihim wa sunnata nabiyihim sallallahu alayhi wa sallam min al-diya' wa abtha al-abithin. Et donc Allah azza wa jal les récompense de la meilleure des manières parce qu'ils ont préservé le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est pour cette raison eh bien, qu'on l'a dans un seul livre, et c'est de par leur cause qu'Allah azza wa jal eh bien, les rétribue de la meilleure des manières, et c'est également eux qui ont préservé et ont été la cause de la préservation et de la sauvegarde des paroles prophétiques de notre prophète bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam, afin que eh bien, les paroles d'Allah azza wa jal, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se perdent pas. فنكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. On continuera demain inshallah avec le frère Abdelrahman. toujours après la Asr. Et le frère Amjad, toujours pareil, après Maghrib, Inch'Allah, et l'Aïcha. Barakallahu fikoum. Fika, barakallahu. J'ai un petit souci, je suis un peu perdu sur le...